une histoire particulière. Le profilage criminel est une méthode permettant à des enquêteurs spécialistes de la psychologie de déterminer le profil psychologique d'un individu a posteriori, c'est-à-dire après que des faits aient été commis. En criminologie moderne, on considère en général quelle est la troisième étape des investigations policières. La première étant l'analyse d'indices, voie ouverte par Scotland Yard au XIXe siècle, et la seconde, l'étude du crime en lui-même. La troisième étape, souvent optionnelle, consistant à analyser la psyché de l'individu recherché. Ce week-end, notre homme est bien coupable, meurtrier et emprisonné. Un excellent endroit pour étudier son cas. Ce que vous propose tout de suite Nejma Bouakra et Manouchak Fachaï et Henri Vidal. Une chose aussi que l'on a toujours trouvé extraordinaire chez moi, c'est cette timidité que j'avais lorsque j'allais dans un bal. Ainsi, j'entrais dans un bal, si j'avais avec moi une demoiselle que j'avais amenée moi-même, je dansais avec elle, et même très souvent. Mais alors, je n'osais pas aller faire ma demande à d'autres demoiselles, de peur que ces dernières me refusent ou me demandent sur ma préférence un tas de renseignements que je n'avais d'ailleurs pas à leur fournir. Pourquoi ? Parce que je n'osais pas aller demander une demoiselle quelconque. J'avais peur d'être indiscret ou gauche. Je n'osais pas plus dire à mes amis de me présenter, craignant que mes amis ne me disent « Comment ? Mais à ton âge, tu ne connais aucune de ces demoiselles. » On dit de lui qu'il était privé d'affection et de nature assez délicate. On dit aussi que lorsqu'il était malade, sa mère n'avait pas pour lui toutes les attentions qu'elle aurait dû avoir. Certains disent qu'Henri Vidal avait un caractère étrange, bizarre, d'autres affirment qu'il était un peu détraqué, ils ajoutent qu'ils n'ont presque pas été surpris de ce qu'il a fait. D'autres disent aussi qu'il avait la manie du vol. Il était timide, ne regardait pas en face, mais était excessivement poli et s'exprimait très bien. Henri Vidal a demandé plusieurs jeunes filles en mariage, mais il a toujours essuyé des refus. Une de ces jeunes filles a été courtisée, et même avec assez d'assiduité. Et il était toujours poli et convenable. À un certain moment, la jeune fille avait eu sur lui de bons renseignements. On lui avait dit qu'Henri était incapable de rendre une femme malheureuse. Tout ce dont je me rappelle, c'est que j'arrivais à Beaulieu ce même soir avec des idées extraordinaires dans la tête, des idées de vengeance, de meurtre. L'idée absolue, enfin, de tuer la première femme qui se présenterait à moi. Que la femme, quelle qu'elle soit, était indigne de vivre et que je devais la supprimer. Il en tuera une autre, puis une autre. Il échouera aussi souvent. Les aveux sont facilement obtenus, les témoins bien présents à la barre. Les premières victimes sont deux prostituées poignardées sans motif apparent dans le centre-ville d'hier, et grièvement blessée. Puis cette fois-ci, une attaque mortelle. Une autre fille publique est victime d'une agression au couteau à Tamaris, près de Toulon. Enfin, un contrôleur arrête Henri Vidal. Il a pris le train reliant Nice à Monte-Carlo sans billet. Il a sauvagement assassiné une jeune voyageuse. On le surnomma le tueur de femmes. L'idée absolue, enfin, de tuer la première femme qui se présenterait à moi. Run from me, darling. L'affaire Henri Vidal, le tueur de femmes. Run from me, darling. Nejma Bouakra, Manouchak Fachaï. You better run for your life. Épisode 1, la bugne et le docteur. Docteur Lacassagne, Henri Vidal est de taille un peu au-dessus de la moyenne, 1m65. Il a l'apparence d'un homme normalement bâti, sans malformation, maigre, osseux et d'une musculature générale médiocre. L'allure est nonchalante, l'aspect peu sympathique. À première vue, Vidal donne l'impression d'un homme peu intelligent. La figure anguleuse, le front bas, le crâne étroit, les yeux petits, bridés, tirés en dehors, la lèvre supérieure relevée dans un léger rictus, la mâchoire lourde. La lèvre inférieure un peu pendante lui donne une physionomie ingrate, peu sympathique, sans vivacité, ni charme dans l'expression. La mimique peu expressive pour un homme du Midi n'offre aucune particularité intéressante. L'indolence paraît être le fond du caractère d'Henri Vidal. Le docteur Lacassagne, c'est un homme du coup d'œil. Est-ce que c'est un homme de coup d'œil? Je dirais que c'est quelqu'un qui... Philippe Artier. Qui considère que l'œil est peut-être plus que la main, l'outil principal du médecin. Ça, c'est évident. Et puis, faut jamais oublier que la Cassagne est contemporain de la photographie et que ça, c'est une chose centrale. Alors, l'expertise, c'est une des grandes affaires du 19e siècle qui va s'imposer petit à petit. Hein, ça commence finalement assez tôt dans le 19e siècle. Mais quand on en arrive à l'époque d'Henri Vidal, en 1901, donc, c'est quelque chose de complètement acquis. On sait que, parmi tous les acteurs du processus criminel, l'expert y a un rôle important, que ce soit le médecin légiste ou bien l'expert aliéniste ou autre, dont les conclusions sur l'état d'esprit et la responsabilité du criminel, supposé criminel, est extrêmement important. Ça n'a pas été évident. Il a fallu du temps pour que l'expert soit accepté comme un acteur légitime du procès pénal, mais en 1900, c'est gagné. Le journal, 4 novembre 1902. Voici ce que je lis dans Le Matin. Vidal a cette allure de fausse élégance, cette herlouche des rôdeurs de pénombre que les femmes éberées désignent par une épithète d'intuition, un sale individu. Les journalistes, qui sont toujours à l'affût de voix ou de témoignages ou de voix expertes ou autorisées, suivent souvent les médecins. Alors quand ces médecins sont, comme Alexandre Lacassagne, une grande figure, quelqu'un qui importe, non seulement à Lyon, mais aussi en raison de son expertise sur des cas très célèbres. Vidal, le tueur de femmes. Évidemment, on va lui donner beaucoup d'importance. Grand et maigre, correctement mis, trop bien peigné, les coins des lèvres ombrés de longs poils roux qui retombent assez bas sur le menton. Il a la physionomie affreusement triste que ses portraits vous ont fait connaître. Mais ses yeux surtout déconcertent. Je dirais presque qu'ils font peur. Des yeux de loup. Deux fentes de feu au fond de quoi rêve une détresse particulière. La douleur d'une âme bornée et violente, aigrie, furieuse et pourtant timide, veule, lâche, une âme très animale, à peine une âme. Ils reprennent des codes de représentation qui sont extrêmement fréquents dans les journaux de l'époque. La figure du rôdeur, par exemple, rien prouve que Vidal est une figure de rôdeur, mais ils sont tellement habitués à manier ces types de formules qui reviennent très très vite. Vous savez, les faits diversiers de l'époque, c'est des gens qui gagnent très mal leur vie, qui vendent leurs copies la plupart du temps à la ligne au quotidien, qui ont acquis assez rapidement des codes d'écriture extrêmement rapides, et puis qui donnent surtout aux rédactions ce qu'elles ont envie de voir, si elles ont envie de lire, si elles ont envie de publier. Et donc effectivement, un sale individu, un rôdeur, l'air louche, l'air sinistre, l'air sournois, on trouve ça mais à la pelle dans les journaux de la fin du 19e. Vidal ne fait pas exception, si vous voulez. Durant une grande partie de l'affaire, on va projeter sur lui... Hein, c'est sournois. Aussi toute une série d'éléments qu'on avait à cœur avec Philippe Artier de montrer. On projette sur lui toute une série de représentations qui sont celles que l'on convoque extrêmement régulièrement pour parler des criminels. Oui, je ne regarde pas dans les yeux. Finalement, il est rassurant, ce Henri Vidal, dans cette perspective-là. Hein, rien de singulier. Voilà évidemment ce qu'on reconnaît. Un sale individu, un louche, un rôdeur, un apache, un escarpe. Regard oblique, sournois. Et la déposition faite au juge d'instruction par cette femme de Toulon, celle avec qui j'avais causé avant d'aller voir la pauvre Antonia, elle a dit au juge d'instruction « J'ai pas voulu aller avec cet homme-là parce qu'il avait une drôle de figure. » À la lecture de la presse, le corps des criminels est extrêmement présent. Il paraît presque indispensable pour déchiffrer le crime. Est-ce que c'est au travers d'une certaine lisibilité du corps que l'on comprend le crime ? Oui, sans doute. Enfin, le corps du criminel, la figure du criminel, corps réel ou corps reconstruit, représenté, fantasmé. Mais bon, de quoi pourrait-on avoir besoin lorsqu'on parle d'un crime, finalement ? Passer l'émotion du public, une fois que les cadavres des victimes ont été emportés, il reste quoi dans une affaire criminelle ? La souffrance, les pleurs, bien sûr, mais ça, c'est pas palpable, c'est pas mesurable. La seule chose qui reste, mais c'est encore vrai de nos jours dans une affaire criminelle, au bout du compte, la seule chose qui va la lester dans l'histoire, évidemment aussi dans l'affaire pénale, c'est la personnalité du criminel. D'où effectivement le fait qu'il est sondé de toutes parts. Son corps, bien sûr, mais son esprit aussi. Les expertises médicales, les expertises d'aliénistes, finalement, vont peut-être davantage s'intéresser à cette espèce de boîte noire qui est celle de la responsabilité ou de la responsabilité du criminel. Donc il est là, il est la seule trace qui reste du crime. Aujourd'hui, vous voyez, quand on voit les scènes de crime, on dessine à la craie la silhouette du cadavre quand on a enlevé le cadavre. Elle m'intéresse, cette silhouette à la craie. Elle est extrêmement volatile. Hein. Dès qu'il pleut, la craie va dire... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le criminel. Son corps, sa figure, sa personnalité, et aussi, effectivement, tout ce qui est construit autour de lui, tout ce corps de papier qui est construit autour de lui, corps réel, corps fantasmé, corps physique, corps de papier, corps mental, c'est ça le criminel. Henri Vidal est un enfant posthume. Né 3 mois après la mort de son père, Madame Vidal nous dit qu'au moment de sa naissance, Henri était très faible. On pensait qu'il ne vivrait pas. À force de soins, elle est parvenue à le conserver. La puberté. Henri Vidal, dans l'énumération des maladies ou dérangements auxquels il avait été sujet, nous dit qu'avant la fièvre typhoïde, il avait eu le ver solitaire et de fréquentes diarrhées. Il a été atteint d'incontinence d'urine jusque vers l'âge de 13 ou 14 ans. Puis souvent des éblouissements suivis de vertiges pendant lesquels j'avais devant les yeux un nuage blanc et des faiblesses dans les jambes. Le début de la susceptibilité du système nerveux cérébrospinal. Ça se produisait le matin en me levant, l'été pendant les fortes chaleurs et l'hiver lorsque ne prenant qu'un peu de thé le matin, je restais jusqu'à 1 heure sans manger. Il paraît présenter dès les premières années de la vie les tares indélébiles de l'hérédité et de la dégénérescence. Ouais. Ce qui est central dans le dossier Vidal, qui est constitué par la Cassagne, c'est quand même son histoire pathologique. À quel moment il a eu telle ou telle maladie d'enfance. Il y a les antécédents héréditaires et puis il y a les antécédents personnels du type fièvre typhoïde, tout ce qui est aussi qui relève évidemment de l'attitude scolaire. Ça, c'est peut-être le sens aussi de cette écriture autobiographique, c'est faire se raconter le sujet dans ses souvenirs d'enfance. Il raconte bien la manière dont il est progressivement un peu le raté de la famille. Henri Vidal a fait ses premières études à Bandol, Var, avec l'intention, paraît-il, de se préparer à Saint-Cyr. Selon sa mère, à l'âge de 15 ou 16 ans, il eut une fièvre typhoïde très grave. La convalescence a duré 1 an environ. Henri était entièrement affaibli. Il ne pouvait pas marcher et on était obligé de le rouler dans une petite voiture. Il avait perdu ses cheveux et presque l'intelligence. Il était atteint de surdité et sa maigreur était effrayante. Il semblait presque idiot. Il n'est pas douteux que cette maladie porte atteinte aux facultés cérébrales et crée du désarroi intellectuel. Quand j'étais jeune, et même en ces dernières années, que ce soit peine ou plaisir exagéré, tout me faisait pleurer. Si ma mère, ma grand-mère ou mon frère me grondaient un peu trop fort, je pleurais. Si j'entendais ma mère se disputer avec mon frère ou ma grand-mère, je pleurais. De même que les peines, les plaisirs me font pleurer. Quand j'étais à la maison, que j'entendais ma mère dire « Cette année, la saison s'annonce bien. On va travailler. » Je pleurais de joie. Run from me, darling. Run, my good wife. Run from me, darling. You better run for your life. Vidal, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type de la Belle Époque. C'est le médiocre de la Troisième République. C'est celui qui va faire ses expéditions coloniales minables, monter à moitié avec des crédits publics, des crédits privés, qui ressemblent à de vastes escroqueries. Je suis resté 7 ans dans les écoles, 3 ans au service militaire, 3 ans au Soudan. C'est Léopold Vidal, frère de Henri, qui dirigeait les hommes, nègres et européens. Ce sont les archives de quelqu'un qui veut faire fortune au Soudan. Dans la presse, on a une interview du capitaine Renard qui évoque la mission, cette mission au Soudan. Le titre, c'est « La négresse abomine, 2 pour une femme, la schlag ». Lors d'un de ses séjours au Soudan, à Kayes, qui est une ville carrefour à l'époque, où il y a un comptoir colonial avec des officiers, il achète plus exactement, une jeune femme, enfin ça doit être d'ailleurs une fillette, et beaucoup d'animaux. Je le dis dans la même phrase, parce que c'est ainsi que c'est raconté et que Vidal le raconte. En fait, il y a des archives coloniales d'Henri Vidal. Alors, ce ne sont pas les archives d'un dominé. Vidal raconte très bien cette atmosphère qui est un peu trouble. C'est une ville où on attend beaucoup, où il y a toujours des malades. Ils attrapent la fièvre et Vidal en fera les frais aussi. Et au Soudan, Henri Vidal se montra égoïste, mauvais camarade. Quand on recevait du cola, il trouvait toujours le moyen de s'en emparer à l'insu de ses camarades et cachait les médicaments dans une valise. Certains disent qu'Henri Vidal avait un caractère étrange, bizarre. D'autres vont plus loin et affirment qu'il était un peu détraqué. Il y a aussi ça chez Vidal. Il y a cette espèce de parenthèse africaine qui est une parenthèse très Troisième République. Peut-être aussi pour ça que le cas Vidal est intéressant, c'est qu'il donne à voir quelque chose qu'on avait beaucoup aussi nié, beaucoup refusé d'entendre, de voir sur la Troisième République, c'est cette deuxième jambe, une jambe coloniale. Ça, c'est vraiment un point, je trouve, intéressant. C'est qu'on a une archive criminelle, mais sous l'archive criminelle, on a encore une autre archive. Jamais de ma vie, je me suis battu avec quelqu'un. Jamais même je me suis disputé au point d'en venir aux mains. Quand l'occasion se présentait, je préférais plier plutôt que de me battre. Déposition d'Adrienne Martin, veuve Vidal. J'ai constaté qu'à son retour du Soudan, mon fils avait des allures sauvages. J'ai constaté cette attitude la dernière fois qu'il est venu à la maison. J'ai eu peur de lui ce soir-là et ai même fait fermer la porte de ma chambre à clé. De même que j'ai fait fermer celle de l'employé couchant à côté de lui. Et il rapporte aussi dans l'hôtel familial hier ensuite cette femme l'amène et il apporte des animaux qui vont peupler un temps le parc. J'ai toujours eu un amour insensé pour toutes les bêtes, quelles qu'elles soient. Il oublie qu'il nous parle de ses chasses au Soudan. À certains points de vue, je considère les bêtes comme au-dessus de l'homme. Hier, j'avais chien, chat, perroquet, tourterelle, canari, toute une collection d'oiseaux, singes et même une biche. Vidal avance qu'il n'a jamais fait de mal à une mouche. Il n'aurait jamais pu attraper des papillons pour leur passer une épingle dans le corps afin de les conserver. Je me demande donc comment j'ai pu en venir à assassiner 4 femmes. C'est celui qui fait les petits bricolages dans l'hôtel, qui prend l'eau, l'hôtel familial. C'est celui qui monte un commerce de comestibles dont on ne sait pas bien en fait ce qu'il vend parce qu'il n'est pas, pas du tout commerçant, donc il monte ce petit commerce et puis il échoue. Mieux que cela, lorsque étant à l'hôtel, je montais parfois à la cuisine et voyais le chef saigner des poulets, des lapins. J'étais obligé de fuir tant la vue du sang sur moi produisait de l'effet. C'est ça, Vidal. Vidal, c'est celui qui n'arrive pas vraiment à tuer correctement ses victimes. Il y a quelque chose d'un peu ordinaire, très ordinaire. Et tellement ordinaire que... Vidal qui est rentré par la fenêtre. Tellement ordinaire que qui nous intéresse. Parce que certes, il fait la une des journaux, mais il n'arrive jamais à trouver son public. Henri Vidal, pourquoi a-t-il tué selon lui? Si j'avais tué pour voler, il est évident que mon cas serait alors facile à expliquer, je ne serais alors qu'un grand criminel. La seule idée qu'il y eut, c'était de me perdre. D'une façon ou de l'autre, mais de me perdre. Il me fallait une grosse affaire pour attirer sur moi l'attention, non seulement de ma famille, mais encore du monde. Je n'étais rien dans ce monde et voulais devenir quelqu'un. Arranger ma vie ou la déranger complètement, tel était mon but. Each time I see you, I come. What I love most of all, your sweet. Non, Vidal n'écrit pas ses aveux. Non, il a accepté cette mise sous écriture dans sa geôle pour se raconter et tenter d'élucider son crime. Il est au service de la science, du docteur. Il s'applique et redevient le sujet de sa propre histoire. Du fond de ses nuits, du haut de sa frêle carcasse, autant ne pas apparaître comme un piètre assassin. Les conclusions du rapport du docteur Lacassagne le déclarent responsable avec une légère atténuation. On constate certains signes de dégénérescence. Henri Vidal ne présente aucun signe de folie. Vidal n'est pas d'accord avec les conclusions des médecins. C'est inconcevable. Cependant, les docteurs étaient au nombre de trois et ça paraissait être une garantie suffisante. Car enfin, il y a quelque chose d'anormal dans mon cerveau. Cela est notoire. Comment admettre que j'ai pu tuer quatre femmes en moins d'un mois à peine ? Auparavant, je ne pouvais pas tuer un lapin ou un poulet. La vue du sang me causant une profonde horreur. Ah, tenez, voulez-vous que je vous le dise ? Il n'est pas fameux, leur rapport médical. On me l'a communiqué, je l'ai lu entièrement, je l'ai étudié, et j'y ai constaté moi-même 32 inexactitudes, et cependant, je suis pas docteur. Ouais. Sans doute me direz-vous que je suis allé un peu loin. Mais j'en conviens avec vous. Mais à ce moment-là, je n'étais plus moi. Il y avait mon cerveau défectueux dont je ne peux m'expliquer la cause, que je ne puis définir exactement et que les docteurs n'ont pas su voir. Et comment pourrait-il en être autrement ? Le docteur Boyer m'a vu 8 fois dans ma prison. Le docteur Rabatel 9 fois. Pensez-vous que l'on puisse en si peu de temps examiner un homme ? Il n'y avait que le docteur Lacassin qui venait me voir tous les jours. Et lui m'a mieux compris que d'autres. Oui, alors c'est très curieux la façon dont Vidal va se comporter. En fait, il tente durant tout le moment. Bien sûr, il a avoué. L'enjeu pour lui, c'est de faire comprendre qu'il n'est pas un criminel crapuleux. Oh, je vis rouge. Parce qu'il a bien compris que c'était la seule chance pour lui de s'en sortir. Et donc, qu'il est poussé par le voile rouge. Un nuage multicolore me passait devant les yeux. Et donc, sa stratégie va se modifier à différents moments. Soyons clairs, c'est pas une grande stratégie. Hein. C'est pas une flèche, hein, Henri Vidal. Y compris à son procès. C'est une bugne, c'est ça ? On dit une bugne ? C'est une bugne, on peut dire ça. Oui, c'est vrai que c'est une personnalité qui n'a pas grand intérêt. Alors évidemment, quand on travaille beaucoup sur lui, on finit par le trouver. C'est un peu un pauvre type. Il rate ses 2 premiers homicides. Il réussit les 2 suivants, malheureusement, mais bon, pas pour les filles en l'occurrence. Mais bon, c'est pas un grand criminel et les actes qu'il commet ne peuvent pas être qualifiés de beaux crimes. Hein, c'est au moment où il arrive au procès, effectivement, il a cet air. Je vous ai tout dit, vous m'avez pas cru, donc je suis un compris, mais au bout du compte, comme beaucoup de chroniqueurs le disent, il déçoit parce qu'il y a deux types d'accusés qu'on aime bien en assise. Il y a celui qui va s'effondrer, qui va demander pardon, et puis au contraire, il y a celui qui va jouer la forte tête. Il est ni l'un ni l'autre. Il déçoit et finalement, il va confirmer qu'il est quelque chose entre un sale individu et un pauvre type. Vidal lit, Vidal s'informe, il lit la presse, très soucieux d'ailleurs hein, de tout ça, de ce qui est produit sur lui. Il lit le rapport et il trouve que vraiment ils sont pas bons, quoi. Ils ont rien compris. On peut pas non plus nier le fait que dans ces années 1890, il y a une grande diffusion de ces savoirs sur les criminels, sur le crime, sur la question de la responsabilité mentale et morale des assassins. Donc ça, c'est très fort. Aussi dégénéré soit-il, parce que on le considère dégénéré, c'est-à-dire qu'il utilise des objets, des représentations sociales qu'il va admettre à son propre compte, ou des leurres type le voile rouge. Le voile rouge, ce serait l'altération du discernement. Soudain, alors, on ne sait pas s'il a fait une lecture ou quelqu'un lui a dit « tu sais » ou s'il a lu ça dans la presse ou pour une autre affaire. Hop, le voile rouge apparaît. Ce serait un moment où sa raison serait atténuée. Un voile rouge est passé devant mes yeux et un nuage multicolore passé devant mes yeux. Et donc je me suis mis à poignarder cette pauvre fille. Une lueur rougeâtre me passant devant les yeux. Et du coup, finalement, ce qui se passe, c'est une espèce d'échange de bons procédés. C'est-à-dire que peu à peu, effectivement, ces experts, on parle des médecins dont le propos est de plus en plus écouté, vont se rendre compte, et c'est surtout le cas pour les aliénistes, parce qu'effectivement, ce sont eux dont la parole est la plus suspecte. Et n'oubliez pas qu'on vit toujours sous le règne de l'article 64. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'accusé a été poussé par une force à laquelle il n'a pas pu résister. Donc la démence, effectivement, est un risque pour les juges de voir le procès lui échapper, et pour la vindicte publique, le criminel, être d'une certaine manière, entre guillemets, innocenté. Car enfin, il y a quelque chose d'anormal dans mon cerveau. Cela est notoire. Comment admettre que j'ai pu tuer 4 femmes en moins d'un mois à peine ? L'irruption des experts de toutes sortes dans le procès pénal, ça ne s'est pas passé très simplement. Et effectivement, les magistrats ont souvent vécu comme une irruption illégitime, comme une dépossession, le recours ou la parole des experts. Mais comme les médecins ne sont pas non plus tombés de la dernière pluie, ils ont bien compris que s'ils voulaient, asseoir leur position, il fallait aussi qu'ils composent. Donc il y a tout un processus de négociation, on va dire, un peu implicite qui se fait dans la seconde moitié du 19e siècle, entre les magistrats qui défendent le droit de punir, hein, c'est le titre d'un livre célèbre de l'époque, et puis les médecins qui veulent quand même que leur voix soit de plus en plus portée, mais ne pas mettre le processus en péril, on va voir progressivement, effectivement, une sorte de négociation se mettre en place. Et l'affaire Vidal est très représentative de ces choses-là, parce qu'effectivement, comme vous le savez, les médecins ne sont pas d'accord, et la Cassagne va finalement transiger avec cette notion de responsabilité atténuée qui veut rien dire du tout. Oui, il est responsable et en même temps il ne l'est pas. C'est tout simplement effectivement qu'on voit un phénomène en quelque sorte de compensation progressive entre les deux parties qui vont finalement s'entendre pour ne pas trop empiéter sur le champ de l'autre, tout en conservant effectivement une voix, un propos, une autorité en la matière. Je dois vous déclarer franchement, messieurs, que tout ce que je vous ai dit là est l'expression de la plus stricte vérité. Vous savez qu'on ne note rien, on n'a pas de minute hein, à cette époque, on ne garde pas la trace de ce qui est dit en procès, en tout cas l'institution ne la conserve pas, ne la note pas même, et les seules traces que nous avons, c'est celles des reporters. Mais en même temps, les rapports d'expertise ont été publiés, toute la documentation est là. Alors à quoi ça sert les 2 ou 3 jours d'audience? À quoi ça sert finalement ce moment? Mais en même temps, le fait que dans un endroit clos, dans un endroit fermé, l'ensemble des acteurs qui, à un moment ou à un autre, sont intervenus pour dire quelque chose sur le cas, l'ensemble des acteurs va pouvoir s'exprimer et du tour de parole, et j'insiste sur le tour, hein, la parole qui tourne dans le prétoire, du tour de parole de toutes les personnes présentes, va se dégager une sorte de consensus qui est à la fois un consensus social, parce que les gens parlent, mais aussi, bien sûr, un consensus pénal qui est celui, effectivement, de la vérité qui va surgir. On a besoin, effectivement, en quelque sorte, de faire tourner les bobines. De faire tourner les bobines de la parole, de faire tourner les bobines de la vue, de faire en sorte, effectivement, que les jurés, les témoins, l'assistance, hein, ça c'est très important, les gens vont au procès, que cette reproduction miniaturisée de la société du temps puisse, effectivement, voir, entendre, juger, ressentir ce moment de production collective de la vérité qui s'impose effectivement comme la production de la chose jugée. Run from me, baby. Oh, me disais-je, comme tu es malheureux, Henri. Il faut décidément que ta tête soit peu sympathique, que tu aies bien un peu de veine pour que la société soit si cruelle envers toi. Mais puisque la société est si cruelle, tu te vengeras sur cette même société. Que ce soit l'échafaud, que ce soit les travaux forcés qui en résultent, peu importe, tu seras séparé du monde, mais au moins tu t'en seras vengé. Henri Vidal sera condamné à mort par la cour d'assises de Nice. Gracié par un concours de circonstances, il sera ensuite envoyé au bagne de Cayenne, où il meurt. La Bugne et le Docteur, un documentaire de Dajma Bokra et Manouchak Fachaï. Avec Dominique Khalifa et Philippe Artière, historien, Alain Langlais, la voix du docteur Lacassagne, Jacques Bonafé, la voix de la Bugne, Henri Vidal. Mixage, Claude Nior. Coordination, Christine Bernard. La suite du documentaire sur le tueur de femmes, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant à 14h, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.